Le jeune faune, premier chant. Il s'assit là, près du chemin qui mène au ruisseau. Le printemps, la douceur de l'air, la vie qui se réveille sous les dernières plaques de neige grises et ruisselantes ne l'enchantent plus comme avant. Ses pères lui ont bien expliqué qu'il était temps pour lui d'aller jouer avec les naïades, les ondines et autres nymphes de ruisseau. Leurs frôlements, leurs œillades, invitations à aller se rouler sur la mousse ne l'attirent pas. De fait, il se trouve un peu seul. Beaucoup de ses camarades de son âge chassent la demoiselle aux abords des villages humains. Lui ne comprend pas ses jeux. Pourtant, la vie tourne en lui, sa musique existe, mais il ne sait à qui la jouer, alors il joue son air pour lui. Ça fait quelque temps déjà qu'il en a pris l'habitude. Il en a même acquis une certaine expertise. Petit, à peine savait-il parler, il a découvert que sa flûte était un instrument de plaisir, que les sons qu'il en tirait, au début agréables, un peu plus tard envoûtants et maintenant déroutants, se finissent dans un roulement silencieux de trilles qui sort des tripes. L'année dernière, il a bien essayé de partager son expérience de la musique avec quelques copains, mais c'est pas facile de parler de ceci à d'apprentis joueurs de piston qui s'exercent en utilisant comme partition les gravures et sculptures dénudées laissées par les aînés sur les racines des grands arbres. « Tu n'es pas comme nous. Enlève ta main de mon épaule, veux-tu ?» Même ces phrases, il ne les a qu'imaginées. Il n'a jamais osé parler, encore moins toucher l'un des siens. La senteur musquée d'une bauche de sanglier, le parfum de la sève verte des frênes, la chaleur du rayon de soleil au travers des feuilles qui lui réchauffent les jambes, le vent encore frais qui fait glisser ses cheveux le long de sa joue, l'invite à jouer sa musique. Mais des bruits, des voix. Il se cache derrière le buisson le plus proche. Deux gamins arrivent au ruisseau. Un éclat de soleil se reflète sur la chevelure du petit blond. Un éclair de rire sort de la bouche du petit brun lorsque celui-ci dérape sur une pierre, que son pied tombe à l'eau. Le jeune faune s'approche d'eux, cueille un brin d'ajonc et le met en bouche. Le faune. Bonjour. Le petit brun. Qui es-tu, toi? Le faune. Et toi? Le petit blond. « Maman, elle n'arrête pas de dire à ma sœur de se méfier des êtres sylvestres. » Le faune. « Et pourquoi ?» Le petit blond. « Je ne sais pas. » Le petit brun. « Moi, je sais. Les satyres, vous ne pensez qu'au plaisir et non à ses conséquences. C'est ce qu'il dit, mon papa. » Le faune. « Si vous le voulez, revenez demain. Je vous expliquerai les premières notes de ma musique. » Et il s'en va, certain que son invitation a porté ses fruits. Le jour suivant, le petit garçon brun arrive en mi-matinée, nullement surpris de voir le jeune faune allongé sur la berge, jouant doucement avec ses pieds dans l'eau, mâchonnant un bout de roseau. Le garçon « Salut !» Le faune « Salut, t'es venu seul ?» Le garçon s'assoit près de lui. « Mon copain, il n'a pas voulu venir, je crois qu'il a peur de toi. » Le faune « Et toi, as-tu peur ?» Le garçon. Non. Hier, tu m'as parlé de musique. J'aime bien la musique. Tu m'apprendras ? Le faune. Oui. Ton nom ? Le garçon. Martin. Et toi ? Le faune. Sylvain. Et ils restent là, quelques instants immobiles, chacun dans ses pensées. Le jeune faune commence à comprendre son rôle dans l'existence. Éducateur, initiateur. Le jeune garçon s'interroge. Effectivement, je n'ai pas peur de cet être. Et pourtant, au village, il semblerait que ce soit un lieu commun d'en avoir peur. Est-ce son odeur de terre mouillée après la pluie? L'apparente douceur de la toison qui recouvre son poitrail? Le son mélodique de ses phrases courtes qui font battre mon cœur un peu plus fort? Lorsque je ferme les yeux, je l'entends. Le faune. Tu es rythme, tu es tambour en ton sein, garde les yeux fermés, Martin, écoute ton corps. La musique, ce n'est pas que des sons, c'est d'abord une sensation en ton fort. Ne reste pas en tailleur courbé, allonge-toi, douce l'herbe et bon support. et baissant la voix jusqu'à chuchoter, le faune poursuivit. Et maintenant, dans ta main, imagine l'instrument que tu choisiras, Martin, guitare ou flûte de pan. Ne choisis rien nativement, écoute le vent dans les feuilles. Ne choisis rien maintenant, écoute l'eau rigole sur ta joue, une herbe folle pourrait te déconcentrer. Le frisson lorsqu'elle frôle ta peau, un son oublié. Ce frisson, Martin, je le connais. Ce frisson, Martin, imagine-le démultiplié à jamais comme une note atonale. Se taisant, il continue à parcourir la joue, le front, le cou du garçon avec son roseau. Sur la peau des bras du petit, la chair de poule ondule comme une vague infiniment renouvelée. Puis il se lève, parcourt quelques pas, sans bruit, et chuchote avant de se fondre dans les bois. À demain, Martin. Le jeune faune, seconde vague. Au matin du troisième jour. Près du ruisseau, à l'orée de la forêt, Martin revint, le faune aussi. Ils ne disent rien, s'approchent l'un de l'autre, se fixant du regard. Le temps est resplendissant, cela fait 3 jours que le soleil du printemps chauffe cette contrée. Les dernières plaques de neige ont disparu, les fleurs blanches, bien écloses, se voient concurrencées par les jaunes qui percent sous les feuilles. Sur un signe de Sylvain, il s'assoit au pied d'un arbre à quelque distance de l'eau. Martin. Je. Le faune. Oui. Martin. Ben, c'est difficile à expliquer. Le faune. Prends ton temps. Martin. J'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit hier. J'ai même eu du mal à m'endormir. Le faune. Et. Martin. Voilà, lorsque j'ai ouvert les yeux hier, tu étais parti. Et je me sentais bien. Tout autour de moi m'amusait. J'ai entendu la musique des mouches qui volent, j'ai ressenti la couleur des ailes d'un papillon, j'ai goûté à l'odeur d'une pomme de pin verte tombée au sol. Tout me semblait note et son. Et dans la nuit de ma chambre, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne plus ressentir cette impression, peur de ne pas te revoir. Le faune. Nous avons commencé à tisser un lien. J'entends d'ici, il pourra être puissant. Je te le demande officiellement. Veux-tu être mon élève, Martin? Toute musique avant de s'exprimer est d'abord intérieure. Penser autrement serait l'heure. Je t'aiderai à la trouver. Il me faudra ta confiance, mieux qu'une permission. Il te faudra sans méfiance, apprendre tes émotions. J'aimerais tant te guider, au long de ces années. Celle de ton enfance, celle de ta tolérance. Tu seras pour ce temps mon instrument. Réfléchis, ne dis rien. Veux-tu être mon élève, Martin? Veux-tu être mon élève, Martin? Veux-tu être mon élève, Martin? Veux-tu être mon élève, Martin? Quelques mois plus tard, un soir de fin d'été. Le soleil est juste couché, le ciel est rose vif, Vénus brille déjà à côté d'un croissant de lune pâle. Sylvain est assis, Martin à côté, la tête sur son épaule. Le faune. Vois-tu, Martin, tu as acquis ta première note en écoutant ton souffle sous mes doigts caressant ton bras. La deuxième, lorsque ma main a frôlé ton cou. Les suivantes pour chaque vertèbre. Tu aperçus des rythmes lorsque nous courions main dans la main sur les rochers d'un versant après un fan. Tes premières mélodies sont sorties en ressentant mon souffle sur ton dos. Les odeurs des fraises et framboises sauvages que nous cueillions l'un pour l'autre ont donné des couleurs à ta musique. Une harmonie certaine se dégage lorsque tu souffles dans ces bouts de roseaux. Des émotions joyeuses transparaissent. Tu attireras sans contexte majorité de tes semblables. Sans aucun doute, tu les feras danser. Il poursuivit. Je te propose, Martin, maintenant d'aller plus loin, d'apprendre ce désir, précurseur de plaisir. Aujourd'hui trop heureux pour comprendre, soit demain valeureux pour apprendre. Dans quelques moments nous irons à l'aube jour naissant, découvrons. Les cerfs fiers et grands gémiront de ces sons maintenant. Dormons. Et Martin, se nichant dans les bras de son professeur, bonne nuit, prince des bois, les nuits n'étant plus très chaudes, me chantant une ode, veille à ce que je n'ai froid. Puis il éclate de son rire d'enfant. « Je ne sais pas si tu as une bonne fréquentation. Si je reviens à la maison en parlant comme ça, comme toi, mes parents ne me reconnaîtront pas. Que me feras-tu voir demain exactement ?» Le faune. Le brame des cerfs. Le brame des cerfs à l'aube. Martin et le Sylvain sont à quelques mètres d'un grand mâle de 11 ou 12 corps. La tête tendue vers le ciel, un filet de bave à sa gueule, l'animal s'exprime de toute la force de ses poumons. Le faune. Entends-tu, Martin ? Martin. Oui, je sens les vibrations de son râle à même le sol dans mes jambes. Le faune. Et que penses-tu de cet animal, de ce son ? Martin. On dirait qu'il a mal, qu'il souffre, mais son regard n'est pas un regard de douleur, c'est un regard de fou. Le faune ferme les yeux, inspire et expire quelques bouffées d'air profondes, tend une main juste au-dessus de la nuque de son élève et palse maudit. Va, Martin, par les pouvoirs qui sont les miens. Ton corps quitte. Va, petit, que la forêt t'y aide, apprenti. Vole vers lui. Que ton esprit habite cette bête. Que son désir remplisse ta tête. Va, Martin, je te retiens. Le garçon s'écroule dans les bras du satyre qui s'assoit et le berce. Quelques minutes plus tard, le garçon ouvre les yeux. Il se met à pleurer, à hoqueter. Le faune continue de le bercer. Martin se calme petit à petit. Il s'endort même un peu. Il se réveille, calme et sérieux. J'ai vu des images hors de mon âge. J'ai entendu des sons qui parlent de passion. Je commence à comprendre lorsque tu évoques le désir. C'est de la souffrance pleine de promesses. C'est une douleur qui promet un avenir. Le faune. C'est bien, Martin. Tu as parfaitement compris. Il nous faut une pause, une respiration. Un silence musical, si tu veux. je vais m'en aller quelques jours, semaines ou années. Je te laisse méditer et travailler ta musique seule quelque temps. » Il rejoint l'endroit où se tenait le cerf il y a un moment. Le soleil, juste levé, l'illumine et il disparaît à la vue du garçon. Martin hurle « Non !» Dans les sous-bois, le faune pense pour lui. « Ah Martin, as-tu idée du désir qui est le mien ? À côté, celui de l'animal n'est rien. Va Martin, je ne pourrai te laisser trop longtemps. » Le jeune faune, troisième et dernier volet. Plusieurs mois sont passés depuis la séparation. Nous sommes en plein cœur de l'hiver et une couche de neige recouvre la totalité de la plaine et de la forêt. Un froid sec s'est instauré et une bande de gamins joue à glisser sur le ruisseau gelé à se lancer des boules de neige. C'est à ce moment que Sylvain sort du bois, les regarde, s'avance vers eux. Les gamins reculent, sauf un, dont on devine une petite mèche blonde sous son bonnet. Le gamin. « C'est pas ta saison. Que fais-tu là, homme des bois ?» Le faune. « Bonjour, jeune homme. Peut-être te souviens-tu de moi ? Tu es l'un des amis de Martin, je crois. » Le gamin. « Bonjour, oui, Martin est mon ami. Mais depuis quelques mois, il ne joue plus avec moi. Il erre avec sa flûte. Il ne nous fait plus danser. Sa musique est trop triste. » Le faune. « Serais-tu où je peux le trouver ?» Le gamin. « Oui, il va souvent vers la grotte aux fées, à la source du ruisseau. Mais va-t'en maintenant, tu fais peur à mes copains, laisse-nous jouer. » Le faune s'éloigne, remontant le cours du ru gelé, et les rires et les cris des gamins ne mettent pas bien longtemps à reprendre comme avant. Il avance et entend d'abord comme une plainte, quelques pas de plus, c'est un chant, un pleur. Cependant, il met un temps à reconnaître qu'il s'agit d'une flûte, lui. Et pourtant, il pense. L'élève a dépassé le maître. En réfléchissant, cela n'est pas étonnant. En tant que satyre, si j'éprouve du désir, je suis plutôt asentimental. Si je vis et jouis des émotions, les miennes et celles des autres, je ne connais que peu le sens des mots humanité, amitié et amour. Il avance encore vers la source des sons. Aucun doute pour lui, il s'agit bien de la musique de Martin. Il se dit « Oh Martin, je pensais te faire mourir de désir à mon égard, et au lieu d'une musique frémissant l'impatience, j'entends une douleur insondable. Oh !» Les notes se sont arrêtées, ses pensées aussi. Martin est à deux pas de lui, assis sur une roche gelée. Un très long silence s'ensuit, pas le moindre bruit. La petite bise n'est plus, pas le moindre bruissement, tout est figé. Même leurs yeux rivés à ceux de l'autre. Le faune rompt la pause. « J'entends que tu souffres. » Martin. « Oui. » Le faune. « Veux-tu me dire pourquoi ?» Martin ferme les yeux, secoue la tête. S'il n'était pas du tout préparé à la rupture, il a eu le temps d'imaginer ses retrouvailles. Il aperçut l'envie du faune. Il sait pourquoi celui-ci lui a fait comprendre ce qu'est qu'un désir bestial. Lui-même, malgré son jeune âge, s'est surpris à avoir une douloureuse tension dans l'entrejambe à la seule évocation de sa dernière leçon de musique. Seulement, ses fantasmes libérateurs le portent plus vers les jeunes filles du village que vers son ex-professeur de musique et de vie. Martin ouvrant les yeux. Sylvain, à moi de chanter maintenant, tu m'as appris bien plus que les notes, une musique autre, bien plus haute. Tu m'as appris à être vivant, j'ai aimé tes caresses comme des caresses. J'ai aimé être dans tes bras lorsque j'avais froid, je me suis enivré de ton odeur. Sauvage, je me suis régalé d'un bonheur bien sage, du moins le croyais-je. Je ne savais pas comme un enfant se doit pour toi désirer loi. Si mes sons pleurent ici, c'est d'avoir compris que tu ne m'as point quitté. J'attendais de te dire, je vais m'en aller. Pas de suite, cependant, je dois reconnaître que tu ne m'as rien caché. De ta nature, de tes penchants, j'ai pour toi un marché. J'aimerais te l'expliquer, là dans la grotte aux fées, où seule une dernière fois, tu me serreras dans tes bras. Tu me serreras dans tes bras, tu me serreras dans tes bras. Dans la grotte, quelques brindilles flambent. Devant ce feu, le jeune faune tient Martin dans ses bras, sur ses genoux. Martin, se laissant bercer, lui parle d'avenir. Je pense devenir professeur, de musique peut-être, de théâtre, je ne sais pas encore, mais d'art certainement. C'est toi qui m'as donné ce goût. J'aurai plein d'élèves, des petits et des plus grands. Mes leçons seront probablement plus classiques que les tiennes. Et lorsque des garçons, plus sensibles que les autres, se présenteront, je te les enverrai. Tu leur enseigneras comme tu l'as fait avec moi les émotions. Grâce à toi, même si je t'en sens toi-même peu capable, ils connaîtront un arc-en-ciel de sentiments. Promets-moi juste ceci. Tu ne forceras aucune chose. Ta seule séduction sera la vérité. Il se pourra que parmi ceux-là, l'un soit plus attiré par toi que moi. Il reste un peu comme ça, le faune ne dit rien, il n'a rien à dire. Il se quitte, un dernier regard tient lieu d'adieu. Martin retourne à son village, moins triste maintenant qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Le faune retourne à sa forêt, avec juste assez d'espoir pour calmer son désir, qui l'aurait sinon depuis longtemps consumé.